nouvelle depuis ou rivé Montréal. Oh, Dodo, côté où y est là. Moi connais ou plaisir, Freddy arrête ou pas s'arrêter. Même si Haïti est bel plaisir, je joue quand même ma pine chercher. Oh, Dodo, côté où y est là. Moi connais ou blé viré. Freddy arrête, faut vous résigner. Même si Haïti est bel plaisir, je joue quand même pour retourner. Dodo, Et me chanter, rêter, rêter, rêter.